Dossier 3, livre page 32. Mon père me disait toujours « Écoute, finis tes devoirs et lis chaque jour quelques pages, car le plaisir de lire vient du fait que nous comprenons mieux le réel à travers la fiction. »